message aux décideurs en entreprise. Vous souhaitez améliorer vos procédés industriels? Renseignez-vous sur nos mesures d'efficacité énergétique concernant l'éclairage, la réfrigération, le séchage, la ventilation et la compression. Réaliser des économies d'énergie tout en profitant d'un appui financier, c'est plus qu'une bonne affaire. Pour en savoir davantage sur le programme Système industriel, rendez-vous sur hydroquebec.com/affaires. Un choix d'affaires rentable et responsable. Un message d'Hydro-Québec. Vous écoutez CKRL, radio culturelle au 89,1. Bonsoir et bienvenue à une autre émission de Web Musique. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie pour la prochaine heure. Encore une fois, j'ai parcouru Internet pour vous pour trouver des pièces qui sont téléchargeables gratuitement. Donc, il y a l'émission aussi qui est possible de télécharger gratuitement. Pour trouver tout ça, ben, vous vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut sur le site pour télécharger ce que vous entendez à l'émission. On va débuter avec une pièce assez intéressante. C'est tiré de la radio new-yorkaise WFMU. C'est au 91.1 à New York, donc une radio vraiment intéressante qui rend leur matériel disponible gratuitement sur Internet. Donc, les spectacles, ce qu'on entend à l'émission, tout est gratuit. Puis cette pièce-là est vraiment spéciale, ça s'appelle la pièce A Chase Post Haste. C'est par People Like Us et Ergo Fizzmiz, deux artistes de l'Angleterre. Puis ensuite de ça, je vais vous faire entendre un groupe qui est sur l'étiquette Death to Music. Le groupe s'appelle Symptoms, c'est un groupe italien. Ils font un drôle de mélange entre le classique, le jazz, le heavy metal, tout ça dans la même pièce. Donc, quand même assez spécial. Donc, on débute tout de suite avec People Like Us et Ergo Fizzmiz avec la pièce A Chase Post Haste. Thank you. We'll be right back. Vous avouerez que c'est assez spécial comme pièce, un heureux mélange de classique, jazz, metal. C'était le groupe italien Symptoms, la pièce Chestnuts. Avant ça, on avait débuté avec People Like Us et Ergo Fizmiz, la pièce A Chase Post Haze. Ça se retrouve sur l'album Selected Sounds from the Free Music Archive Volume 1. C'est publié par la radio new-yorkaise WFMU. On poursuit l'émission Web Musique avec une étiquette qui nous vient d'Irlande cette fois-ci. Je vous fais entendre l'artiste irlandais Automatic Tasty. Je vous fais passer sa pièce Big Band. Ensuite de ça, on va entendre Barry Lynn, lui aussi d'Irlande, mais d'Irlande du Nord cette fois-ci. Je vous fais entendre sa pièce Rhodes Draft. Puis enfin, on va entendre toujours un autre Irlandais, mais ça n'arrive pas souvent qu'on a à l'émission. Donc l'artiste plutôt s'appelle Blue Food. Je vous fais entendre sa pièce Slack Minor. Pour tout de suite, la pièce Big Band par Automatic Tasty. and some dreams that I had when I was real little, you know. Thank you.

Toujours web musique, on vient d'entendre une pièce assez complexe par le groupe Karhu. Ça s'écrit K-A-R-H-U. C'était la pièce Lilac Movement 1. Avant ça, ben, c'était une pièce de Millimétrique, la pièce Courant Intimiste. Pour poursuivre l'émission, je vais vous présenter deux artistes qui sont sur l'étiquette allemande Tropic, une étiquette qui est quand même... que beaucoup d'albums sont rendus, plus d'une cinquantaine quand même. Ça commence à en faire quand même beaucoup. Je vais débuter avec Leonid Nevermind, un russe, plutôt qui est d'origine russe, qui vit maintenant en Espagne. Je vous fais entendre sa pièce « Sometimes it happens in my dreams ». Puis, en-dessus de ça, je vais vous faire entendre Danietto, c'est sa pièce « Arpeggios ». Donc, ces deux pièces-là, comme je vous le disais, se retrouvent sur l'étiquette Tropic. Thank you.